Il serait long, milord, de vous détailler tous les biens qu'on retire ici d'un soin si puéril en apparence et toujours dédaigné des esprits vulgaires, tandis que c'est le propre du vrai génie de produire de grands effets par de petits moyens. M. de Volmar m'a dit qu'il lui en coûtait à peine 50 écus par an pour ses petits établissements, que sa femme a la première imaginé. Mais dit-il, combien de fois croyez-vous que je regagne cette somme dans mon ménage et dans mes affaires? Par la vigilance et l'attention que donnent à leur service des domestiques attachés qui tiennent tout leur plaisir de leur maître, par l'intérêt qu'ils prennent à celui d'une maison qu'ils regardent comme la leur, par l'avantage de profiter dans leurs travaux de la vigueur qu'ils acquièrent dans leur jeu, par celui de les conserver toujours, sains, en les garantissant des excès ordinaires à leurs pareils et des maladies qui sont la suite ordinaire de ces excès, par celui prévenir à eux les friponneries que le désordre amène infailliblement, et de les conserver toujours honnêtes gens. Enfin, par le plaisir d'avoir chez nous, à peu de frais, des récréations agréables pour nous-mêmes. Milord, j'avoue que je n'ai jamais vu qu'ici, des maîtres former à la fois dans les mêmes hommes de bons domestiques, pour le service de leurs personnes, de bons paysans, pour cultiver leurs terres, de bons soldats, pour la défense de la patrie, et des gens de bien, pour tous les états, où la fortune peut les appeler. L'hiver, les plaisirs changent d'espèce, ainsi que les travaux. Les dimanches, tous les gens de la maison, et même les voisins, hommes et femmes indifféremment, se rassemblent après le service dans une salle basse, où ils trouvent du feu, du vin, des fruits, des gâteaux, et un violon qui les fait danser. Madame de Volmar ne manque jamais de s'y rendre, au moins pour quelques instants, afin d'y maintenir par sa présence l'ordre et la modestie. Et il n'est pas rare qu'elle y danse elle-même, fût-ce avec ses propres gens.